Chapitre 3e, la Grande-Duchesse Irène. Israël Kensky sommeillait au coin du feu lorsqu'il entendit craquer l'escalier de bois sous un pas léger. Vivement, il se leva, se dirigea sans bruit vers la porte et l'ouvrit brusquement au moment où sa fille traversait le couloir. Elle sauta en arrière avec un petit cri de frayeur. « Vous ne dormez pas encore, Israël Kensky ? » balbutia-t-elle. « Je n'avais pas sommeil. » répondit-il avec une douceur qui lui rendit courage. « Entrez dans ma chambre, j'ai à vous parler. » Il éteignit la lumière, et seule la lueur du foyer éclaira la pièce. « Asseyez-vous, Sophia. Je vous ai attendu parce que je vous avais entendu partir. » Elle ne fit aucune réponse, ayant vaguement le souvenir d'autres entretiens de ce genre avec son père, entretiens désagréables, mais dont elle ne pouvait jamais se rappeler les détails. Cela lui donnait un malaise grandissant. Comme elle changeait de figure, Israël sourit. « Donnez-moi la cassette qui est sur la table de toilette, Sophia. » Il n'avait pas bougé et continuait à se chauffer les mains à la flamme. Elle hésita une minute, puis, docilement, alla chercher à la place désignée une lourde boîte de métal recouverte de laque noire brillante. « Ouvrez la cassette, Sophia !» ordonna le vieillard sans tourner la tête. Automatiquement, comme si ce n'était pas la première fois que pareille chose lui était commandée, Sophia leva le couvercle et regarda à l'intérieur. Sur un fond de velours noir était posé un joli petit miroir convexe de la taille d'une pièce de 2 francs. Ce miroir devait avoir quelque chose de bien fascinant, car elle retourna à sa chaise et s'assit sans le quitter du regard. « Fermez les yeux !» dit Kensky de sa voix monotone. Elle obéit. « Vous ne pouvez plus les ouvrir, n'est-ce pas ?»« Je ne peux plus les ouvrir !» répéta la jeune fille. « Maintenant, dites-moi où vous êtes allée ce soir, Sophia. » Avec un peu d'hésitation, mais sans s'arrêter, elle raconta tout. Sa rencontre avec Yakov, le trajet en taxi, l'entrée dans le restaurant par la porte de derrière, l'escalier de pierre menant aux couleurs blanchies, et elle donna en détail le compte-rendu de l'arrivée de Bim, puis de la conférence. « Quel est celui qui doit tuer le grand-duc ? » demanda le vieux. « Je ne sais pas, » répondit la jeune fille. « Réfléchissez bien, Sophia Kensky, et tâchez de vous souvenir. À qui profitera le crime ? Qui donnera à Bulba les 20 000 roubles offerts à l'étranger ? Je ne sais pas. » On sentait en elle une sorte de détresse. Israël se leva, lui prit la boîte des mains. « Allez vous coucher, Sophia, » dit-il lentement, mais avec autorité, « et demain matin, quand vous vous réveillerez, vous n'aurez aucun souvenir de tout ce qui s'est passé depuis votre retour dans cette maison. Vous ne vous rappellerez pas que je vous ai parlé et vous ai forcé à regarder dans la cassette. C'est bien entendu ?»« Oui, Israël Kensky, » répondit-elle docile, et d'un pas lourd, elle regagna sa chambre. Dès que la porte en fut refermée, Kensky verrouilla la sienne, s'assit devant la table et se remit à écrire rapidement. Il écrivait encore quand l'homme grise filtra à travers les persiennes. Alors, sa dernière lettre cachetée, le vieillard mit l'adresse à son illustrissime Altesse, la Grande-Duchesse Irène Yaroslav. Et sans même se dévêtir, il se jeta sur son lit et s'endormit, épuisé. Ce même jour, dans la matinée, Malcolm Hay eut une nouvelle entrevue avec Mr. Tremaine, qui lui reparla du juif. Il est arrivé à Londres et loge à Colbury Terrace, Maida Vale. Vous feriez bien d'aller le voir, Master Hay. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est une personnalité qui pourra vous être utile en Russie. Nos puits sont situés à environ 30 000 de Kiev et Kensky est notre agent dans cette ville. Au cas où vous auriez quelques difficultés avec les autorités, c'est donc à lui que vous pourrez vous adresser en toute confiance. Je crois que sa fille l'a accompagné en Angleterre, continua Mr. Tremaine, mais je sais peu de choses sur elle. Il y a encore un autre de vos futurs voisins qu'un train spécial amènera ici aujourd'hui même à midi. « Un autre de mes voisins ?» répéta Malcolm en souriant. « C'est-à-dire ?»« Le grand-duc Yaroslav. Il y a évidemment peu de chance pour que vous ayez affaire à lui là-bas. » Un employé entra à ce moment et présenta à Mr. Tremaine une feuille dactylographiée en caractère russe. « Voici votre lettre d'introduction auprès de Kensky, Master Hay. Il sait, en fait d'anglais, le strict nécessaire pour ses rapports avec vous. » Lorsque Malcolm se présenta au garni de Maida Vale, le juif était sorti. Au début de l'après-midi, il reprit le chemin de Colbury Terrace et se souvint, en cours de route, qu'il avait aussi projeté d'apercevoir son futur voisin, le grand-duc. il y avait un rassemblement devant la gare de Charing Cross et un policeman, interrogé, répondit que la foule avait été attirée par le stationnement de deux voitures des écuries royales. « Elles attendent des princes russes, je crois, et le bateau a eu du retard. Tenez, les voilà. » Malcolm se rangea avec les curieux dans la cour de la gare pour laisser passer deux calèches découvertes. La première était occupée par un homme d'âge moyen, portant l'uniforme russe, et ayant à ses côtés une jeune fille d'une merveilleuse beauté. Celle-ci, hautaine, presque dédaigneuse, semblait écouter avec indifférence les propos d'un jeune homme souriant assis sur la banquette en face. Quand les postillons ralentissaient l'allure de leurs chevaux pour déboucher dans le Strand, la jeune fille tourna légèrement la tête et son regard se posa une seconde sur Malcolm, qui instinctivement se découvrit. En réponse à son salut, ce fut l'homme en uniforme qui, très raide, leva la main d'un geste automatique. Déjà les voitures disparaissaient au tournant. Le jeune Anglais poussa un profond soupir. « La belle dame !» s'écria quelqu'un auprès de lui. « Allons, je ne suis pas venu pour rien. » Malcolm se retourna. Un petit homme trapu, son chapeau melon posé en auréole et un bout de cigare aux lèvres, le fixa avec franchise et bonne humeur. Il parut enchanté d'avoir attiré son attention. « Vous avez vu cet empereur ?» Malcolm sourit. « Le grand-duc, vous voulez dire ?» Et qui était la dame assise à côté de lui ?« Matin, quelle belle fille !» Malcolm partageait cet enthousiasme, mais ne jugea pas propos de l'exprimer. « Ce qu'elle perd son temps, cette demoiselle ?» continua l'autre d'un ton convaincu. « Avec une figure comme ça, on fait du cinéma. » Son compagnon se mit à rire. « Enfin, conclut Mr. Bim, je suis content d'avoir vu ce grand-duc. Moi aussi. J'étais heureux de voir ces grands personnages. » Et dire que j'ai failli les manquer pour être resté trop longtemps à table. Vous en avez de la veine, d'être arrivé à temps. Non, de vous être mis à table, grommela l'homme. Il y a beau temps que ça ne m'est pas arrivé. Malcolm le regarde avec un intérêt mêlé de sympathie. À la côte, dit-il brièvement, je vous crois, et pas une épave en vue. Puis, voyant une hésitation sous les traits de l'Anglais, j'espère que vous n'avez pas peur de blesser ma dignité, continua Mr. Bim. Si par exemple il vous passait par la tête de me glisser $2 et que vous ayez peur que je vous les jette à la figure, j'aime mieux vous dire que vous faites erreur. Malcolm lui tendit en riant un demi-souverain. Allez manger quelque chose, mon ami. Parfait, dit Jerry Bim en empochant la pièce. Comment vous appelez-vous, monsieur? Que vous importe? Il m'importe beaucoup, riposta le petit homme avec un grand sérieux. J'aime restituer ce que j'emprunte. Eh bien, je m'appelle Mr. Hay. « Inutile de vous donner mon adresse, car je pars la semaine prochaine pour la Russie. »« Tiens, c'est curieux, » dit Mr. Bim en grattant son menton mal rasé. « Je rencontre tout le temps des Russes. » En arrivant à Colbury Terrace, Malcolm eut une nouvelle déception. Le juif n'était pas rentré. Il aurait renoncé à faire la connaissance de cet homme introuvable si Mr. Tremaine n'eût pas semblé attacher tant d'importance à cette démarche. Il résolut donc de faire une dernière tentative après le dîner. S'étant habillé à tout hasard pour pouvoir aller au théâtre, au cas où il ne serait pas reçu, il retourna une troisième fois chez Israël Kensky. La vieille logeuse l'introduisit enfin et quelques instants après, il se trouvait en présence du vieillard. D'un rapide coup d'œil, celui-ci examina son visiteur depuis la cravate jusqu'au bout des souliers vernis. L'impression fut bonne. Kensky lut sans mot dire la lettre que lui tendait Malcolm, puis... « Asseyez-vous, Master Hay, » dit-il en anglais. « Votre visite m'a déjà été annoncée par Mr. Tremaine. » Malcolm s'assit auprès de l'établi du relieur et jeta un regard curieux sur les outils, sans doute brusquement abandonnés. « Vous voyez à quoi s'occupe un vieux juif, » reprit Israël, avec un fort accent, « et cela vous étonne. Car vous pensez sans doute qu'en Russie du Sud, nous passons notre temps à fabriquer des bombes. Pour moi, si je n'avais pas eu d'aptitude pour les affaires, j'aurais été relieur. » Sans doute. « C'est un beau métier. Il me distrait de mes soucis, et puis il m'aide. » Malcolm n'osa pas lui demander en quoi ce passe-temps pouvait aider un marchand plus que millionnaire. Il ignorait encore l'existence du livre magique. « Vous partez pour la Russie ?»« Oui. »« Ah, c'est un pays extraordinaire, vous verrez. Les habitants de Kiev en particulier sont de drôles de gens. » Et comme les yeux du juif allaient à la pendule, Malcolm se crut indiscret et se leva. « Je ne veux pas vous retenir davantage, Master Kensky. J'étais simplement venu faire votre connaissance et vous serrer la main. »« Non, non, restez. Je vous parais maussade et peu aimable. Pardonnez-moi. J'ai tant de soucis en tête. »« mais je crois être arrivé à une solution et pour cela, vous pouvez me rendre service. Je puis compter sur votre discrétion, n'est-ce pas ? Certes, mais... Oui, je sais qu'on peut avoir confiance en vous. Dites-moi, Master Hay, connaissez-vous le café du Silver Lion ? Non, je l'avoue, répondit l'anglais assez surpris. Malcolm se demandait où il voulait en venir lorsqu'Israël changea brusquement de sujet. Tout à l'heure, vous allez voir ici une grande dame. Je réclame encore une fois votre silence et votre discrétion. Attendez un instant. Il se traîna vers la fenêtre, repoussa la persienne, et après avoir jeté un coup d'œil au dehors, « Elle arrive, » dit-il tout bas, « restez là, sans bouger. » Et d'un geste, il indiqua à Malcolm un coin de la pièce. La porte s'ouvrit presque aussitôt pour livrer passage à une belle jeune fille. Elle entra souriante, mais sa physionomie redevint sérieuse dès qu'elle aperçut l'étranger. Malcolm, stupéfait, regardait ses yeux magnifiques, ce nez fin, ses lèvres pleines. Il avait reconnu la grande duchesse. Kensky s'avança vers elle et s'inclina sur sa main qu'il baisa. « Altesse, » dit-il humblement, « ce gentleman est un de mes amis. Ayez confiance en votre vieil Israël. »« J'ai confiance en vous, » répondit-elle en russe. Après un léger signe de tête dans la direction du jeune homme, elle s'assit devant la table et s'y accoudant, sembla ignorer qu'il y eut un auditeur à leur conversation. « Je n'ai pas pu venir plus tôt, » commença-t-elle, « car il m'est difficile de sortir quand je veux. » « Votre Altesse a-t-elle reçu ma lettre ?»« Oui, Israël. »« Mais vous ne croyez pas, n'est-ce pas, que par écrit soit possible ?» demanda-t-elle d'une voix émue. « Altesse, tout est possible. Londres cache bien des malfaiteurs et des gens sans scrupules. »« Et la police ?»« La police ne peut pas vous protéger ici comme elle le fait dans notre Russie. »« Il faut que j'avertisse le grand-duc, » dit-elle pensivement. Et une ombre passa sur son visage. « Et le prince ?» « N'est-ce pas lui qu'il déteste ?»« Altesse, » reprit Israël avec beaucoup de respect, « dans ma lettre, j'ai fait allusion à une chose trop grave pour être écrite. Pardonnez-moi si j'ose, ce soir, aborder ce sujet. » La jeune fille inclina la tête et ses yeux eurent cette lueur espiègle, si séduisante, déjà entrevue. « Votre père, le grand-duc Yaroslav, n'ayant qu'une fille, le grand-duché de revenir par héritage, » il s'arrêta, hésitant. « Au prince Serganov, » acheva-t-elle lentement. « Il est à Londres avec nous. » Le prince Serganov est un homme ambitieux. Bien des événements peuvent se produire en Russie, petite Altesse. Si le grand-duc était tué... « Oh, c'est impossible !» s'écria-t-elle avec horreur en se levant. « Il n'oserait pas, il n'oserait jamais !» Kensky étendit la main d'un geste expressif. « Qui sait ? Les hommes sont esclaves de leurs ambitions et je tiens le renseignement de sources sûres, Altesse, » répondit-il évasivement. « Oui, il me semble que vous n'auriez pas avancé la chose, s'il était dénué de fondement. Et votre ami sait-il ? » Son regard indique Malcolm, silencieux et immobile. Israël secoua la tête. « Non, Altesse. Je souhaiterais pourtant que le Spodar fût au courant de quelques détails. Il va aller à Kiev. Que se passera-t-il là-bas ? Et puis, il connaît Londres. » Cette fois, Malcolm ne fit aucune protestation, sentant qu'il pouvait se rendre utile. « Je demanderai à l'Ospodar de découvrir le lieu où se rassemblent les conspirateurs. »« Alors vous croyez que le prince Serganov est l'instigateur de cet horrible projet ?»« Le monde est méchant, Altesse. »« Et le prince a beaucoup d'ennemis, » ajouta-t-elle en essayant de sourire. « Vous savez bien que mon cousin est le chef de la police politique à Saint-Pétersbourg. »« Il trouvera des détracteurs, c'est certain. » Le vieillard la regardait pensif. « Votre Altesse a toujours eu beaucoup d'intuition. » Je me souviens que la sûreté et la rapidité de son jugement m'étonnaient. Lorsque petite fille encore, elle me signalait le bon et le méchant. Qu'elle veuille me dire aujourd'hui son impression personnelle au sujet du prince Serganov. Est-il incapable d'un tel crime ? Irène Yaroslav ne répondit point. Qu'aurait-elle pu dire ? Depuis longtemps, elle se méfiait de son cousin. Il faut que je m'en aille, Israël Kensky. Ma voiture m'attend. Je vous écrirai. En voyant qu'elle se dirigeait vers la porte, Malcolm, surmontant sa timidité, fit un pas en avant. « Si votre Altesse veut accepter mon escorte jusqu'à sa voiture, dit-il, j'en serai très honoré. » Elle hésita. « Il me semble que je ferais mieux de partir seul. » « Que votre Altesse permette à ce jeune homme de l'accompagner, je serai plus tranquille, » dit le juif. La grande-duchesse n'insista plus et sortit, suivie de Mr. Hay. Ils descendirent l'escalier, traversèrent le jardin et firent quelques pas dans la rue sans avoir parlé. Tout à coup, la jeune fille dit en anglais « Vous croyez sans doute que les Russes sont des barbares, Master Hay. Master Hay, un nom écossais, n'est-ce pas ? Ainsi, vous nous jugez comme des êtres non civilisés ?»« Oh non, Altesse !» balbutia Malcolm, loin de moi une semblable pensée. Ils marchèrent jusqu'à ce qu'ils eussent en vue la lumière de la voiture. « Ne venez pas plus loin, » dit la grande duchesse. « D'ici, vous pourrez me voir monter en auto. Mais avant de nous quitter, dites-moi si vous en savez plus long qu'Israël Kensky. »« Je ne sais rien, Altesse, » répondit-il, sincère. Elle lui tendit la main. « Bonsoir, Master Hay. N'oubliez pas que je dois vous voir à Kiev. »